Les débats. Pas de radio et pas d'insultes. De Gérard. Et voilà, bienvenue sur Fun Radio, où vous pouvez nous écouter sur 101.9. On est jeudi et les débats, donc, au standard, ça sera Manu. Fildard. Non, Manu. Non, mais Fildard. Moi, j'aide Rigo et voilà. Maintenant, je vais au standard. Ah bon, alors, donc, Manu et Fildard au standard. Voilà. Rigo à l'aria et Apolline sur l'internet. Alors, par contre, je voudrais bien que, quand vous me donnez les noms, je voudrais bien que vous me précisez les fréquences, s'il vous plaît. Merci. Hein, le standard. Heureusement que je sais que sur Paris, c'est 101.9 et les autres, faudrait que je leur demande. Alors, premier débat qui va porter sur l'internet et pour ça, on va accueillir... Petit quoi? Petit Mulot? Petit Mulot, bonsoir Gérard. Ouais, bonsoir. Ta fréquence, s'il te plaît, 21 ans de Tarbes. Tarbes, c'est 102.8. 102.8, ok. C'est quoi? Insère-moi l'arrêt. Insère-moi l'arrêt, 19 ans de Caen. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Ta fréquence? 104.5. Bonsoir, insère-moi l'arrêt. Bonsoir. 104.5, bonsoir à toi. Site du cul, 22 ans Paris, 100.9. Oui, bonsoir à toi. Bonsoir Gégé. Et Bill. Bill quoi? Bill 4? Bill Gates. Salut. Bill Gates, 30 ans Paris, 101.9. Bonsoir à toi. Bonsoir Gérard. Bonsoir Bill. Salut. Bonsoir. Ça va Milo? Ça va. Oh! On se calme s'il vous plaît, merci, parce que sinon ça va chauffer déjà. Alors, pensez-vous que l'Internet sera l'outil de travail pour l'an 2000? On va demander ça, tiens, un peu, petit Mulot. En effet, Gérard, je te prouve que l'an 2000, c'est dans 9 mois. Donc, je pense que dans 9 mois, l'Internet existera encore et qu'il ne va aller qu'en progressant. Je te demande si ça sera l'outil de travail. Exactement, Gérard. Tu pourras disserter et concerter sur Internet à travers tous les pays du monde. Ouais. L'arrêt. Ouais, donc c'est clair que ça va être l'outil indispensable pour le travail, puisqu'il l'est déjà de nos jours, Gérard. Ouais. Ça faut que tu le saches. Et je voudrais savoir si toi, justement, tu comptes utiliser Internet pour faire, par exemple, des débats, le vendredi soir, sur Internet. Ouais, c'est ça. Tu crois que je vais faire mes débats sur Internet, toi? Ah ouais, pourquoi pas une fois le jeudi, une fois le vendredi sur Internet? Exactement, ouais. Ouais, c'est ça. Et pourquoi pas une fois tous les 15 jours sur... Minitel. Sur le Minitel aussi. Il n'y a pas de Cibi. Carrément, en Cibi, ouais, c'est carrément mieux. Site du cul. Oui, écoute, moi je pense que ce sera exactement l'outil de travail de l'an 2000. Hein. Déjà, on l'utilise beaucoup dans les sociétés. Mais alors, comme c'est dans 9 mois, comme le disait judicieusement mon ami, eh bien, ce sera de mieux en mieux. Et donc, tout le monde va utiliser Internet en 2000. Bill Gates. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que non, parce que grand A. Si mon évier il est bouché, bah c'est pas avec Internet que je vais le déboucher comme outil. Attends, pour l'instant, je crois que t'as pas dû comprendre la question. Il a pas tort, hein. Bah si, c'est l'outil de travail, on peut pas tout faire avec Internet. Hein. Si je crève ma roue, hein, je vais pas mettre un écran comme roue de secours hein, avec Internet. Donc ça quand même. Non mais attends, l'Internet, l'outil de travail, c'est pour ceux qui sont dans les bureaux. Faut pas confondre, oui. Gérard, sur Internet, il y a Snooze qui dit qu'en fait, c'est pas l'outil de travail de l'an 2000, c'est l'outil de travail de l'an 2001, parce que l'an 2000, il y aura le bug, en fait. Ouais, il y a le bug de l'an 2000, ouais, donc plus d'Internet à partir de l'an 2000. Mm-hmm. Donc je vois pas pourquoi tu fais un débat sur l'Internet, Gérard. Bon, alors toi, si t'es pas content, tu dégages, au revoir. Hop. Manu, s'il te plaît. Maintenant, vous allez faire ce que je vous dis. Le premier qui dit une connerie, hop, vous le saquez. Terminé pour toi. C'est vrai? Il va avoir le bug de l'an 2000. Non, il a raison. C'est vrai, Gérard, le bug de l'an 2000, c'est connu. Et Gérard, sur Minitel, il y a énormément de monde. On est quand même... combien? 740. Oh là là. Pas mal. Et ils disent que pour le Minitel, ce sera en 2004. Ouais, le bug du Minitel. Toi, tu es à Perm pour l'instant. Et dans pas longtemps, il y a Bugs Life aussi qui sort. Toi, tu la fermes, je viens de te dire. Ok. Donc, Bill Gates. Mais ouais, mais pas n'empêche. Bill Gates. Mais pour le bureau, d'accord, Gérard. Mais bon, si j'ai une souris au bureau pour la tuer, je vais pas prendre une souris d'ordinateur, je vais prendre une tapette. Alors, l'internet, je crois que ce soit adéquat pour tout, hein, quand même. À ce moment-là, tu prends un associé. Ouais, je reviens sur ce que tu disais, Bill Gates. C'est vrai, c'est intelligent parce que dans les bureaux, on peut pas faire un café avec un machine d'ordinateur. Donc, c'est vrai que. Maintenant, il y a des filtres. C'est vrai, il y a des filtres, ouais. Ouais, on parle pas des cafés, on parle du service internet. On parle de service internet. Bah oui, justement. Alors, vous répondez correctement aux questions, sinon vous gerbez toutes. J'ai rien dit, hein. D'accord. Moi, je peux vous dire une chose, que le service l'internet pour le travail sera utile pour l'an 2000. Bah oui. Parce que c'est ce qui va servir aux transporteurs et à d'autres personnes de trouver des clients. Oui, mais Gérard, ouais. Si Internet n'existe plus après le bug, comment ils vont faire? Quoi? Si après le bug de l'an 2000, comment ils vont faire les gens? Non mais attends, Internet pour l'instant ils sont pas prêts d'arrêter. Hein. Ils sont pas fermés. Bah non. Ouais. Sous la porte, hein, pour Internet. Ouais, mais c'est ça. Ça a pas de porte, alors. La société Internet va être finie, Gérard. Ouais, c'est ça. Toi, tu ferais mieux fermer ta gueule parce que tout à l'heure, tu as gerbé. Bon, ok. Hein? C'est un conseil que je te donne. Ok. Possédez-vous dans votre salle de bain. Possédez-vous l'Internet dans votre salle de bain ou autre. Ah non, on va demander à site de cul. Ouais, bah alors moi, dans ma salle de bain, je n'ai pas encore ça. Moi, j'ai dans ma chambre, dans ma cuisine, dans mon salon, mais pas encore dans ma salle de bain. Donc, Tu peux m'expliquer comment tu peux avoir Internet dans ta cuisine? Le câble. Bah, alors oui, déjà, le câble. Le câble. Bon, vous fermez vos gueules, les mecs. Ouais. T'as pas entendu parler de ces machines? Maintenant, ça existe sur le frigo et sur le four à micro-ondes. Je te jure, j'ai entendu ça à la télé, donc voilà, sur TF1. Non, tu vois. À la télé. Voilà. Oh, si c'est la télé qui le dit. Celui qui s'amuse à jacter derrière va se calmer parce que sinon on va retourner voir Manu tout de suite parce que ça commence à devenir rengaine. Mm. On est bien d'accord. Pas de problème. Alors, pour moi, l'internet c'est pas un outil de travail parce que j'arrive pas à me curer les dents avec. Site de cul pour finir, pour continuer ta question. Bah, oui, non, je te disais que maintenant, on peut avoir sur son four à micro-ondes un écran d'Internet. Ah ouais. Alors, moi, je peux dire... recettes. Ah ouais, non, mais attends. Si, c'est vrai. Je me demande comment tu peux avoir le site Internet sur ton micro-ondes si tu fais chauffer de la bouffe. Ah ouais, non, mais c'est complètement indépendant. Hein, Gérard, on me confirme sur Internet qu'en fait, aux USA, il y a un four... Non, mais attends, Pauline, s'il te plaît. Ouais, tu la laisses parler. C'est Internet, Gérard. Non, mais attends, tu laisses finir les auditeurs parler, après... Excuse-moi. Après, je demande la question Internet. D'accord, Gérard, ok. Non, mais attends, oh. Mais justement, je voulais savoir ce que disaient les gens sur Internet. Ah ouais, bah non, bah... Oh là là. Allez, hop. Ah non, mais Pauline, c'est la dernière fois que tu me fais une merde comme ça, hein. Ça, tu ferais mieux de retourner derrière ton téléphone. Hein. Et je me file d'art à l'internet. Hein. Ah ouais, ah ouais, ouais. Cela, faut pas déconner. Hein. Ouais. Ok. Bon. Donc continue, GG. Ouais. Donc, Gérard, sur Minitel, il y a. J'arrive pas à dire son nom, c'est trop compliqué. Il me demande ce que t'en penses, toi. De quoi? Non mais attends, déjà, il va préciser son nom, et après on verra. Et de quelle ville il est? Ok, bah continue alors. La fréquence. Ouais, la fréquence. Ah putain, mais t'arrêtes avec toi. Putain! Qu'est-ce qui se passe, Gérard? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va? Tu commences à me faire chier, Pulgar, là. M'explique. Ah, viens. Reprends le truc, là, le débat, le machin que tu fais tous les jeux. Putain! Ouais, vas-y, Gérard, vas-y. Donc, Irsen de l'arrêt. Ouais, c'est tout à fait ça, ouais. Alors, moi, mon internet, il est dans mes toilettes, parce que comme ça, je kiffe bien chatter avec mon pote Rigo quand je fais caca. D'accord. Tu crois que je t'ai pas reconnu, toi, encore? Non, je pense pas, parce que non, c'est la première fois que je te parle, Gérard. Ouais. Petit Mulot. Moi, j'en ai une. Enfin, j'ai Internet au-dessus de la baignoire, en fait. Comme ça, quand je prends mon bain, je vais sur des sites de cul et je me touche. D'accord. À mon avis, t'as l'air de... T'as l'air d'aimer les films de cul, toi. Pas du tout. Non, presque pas. Apparemment, ce que tu viens de dire, si. Bill Cates. Moi, Gérard, j'ai l'internet dans la salle de bain parce que c'est pratique pour se lever le matin. Moi, je gagne du temps, j'utilise... Ouais, bah, t'éteindras ta radio quand je te parle, s'il te plaît. C'est pas de radio, Gérard, attends. C'est un portable, ça. Ouais, c'est un portable. Alors, le portable terminé, au revoir. Au revoir. Ouais, bah, bonne nuit. Ouais, Gérard, Hop, au revoir pour lui. Alors, un sondage avant qu'on passe à la prochaine question. Alors, 43% sont contre les internats. Qui c'est qui a été me chercher ça, là? Qui c'est qui a été me chercher ça? C'est Rigo. Ça, c'est Rigo, ça. Pourquoi? Qui c'est qui a été me chercher ça? J'ai recopié ça sur un site spécialisé. Ah ouais, c'est bizarre parce qu'on parle d'internet et là c'est les internats. Oui. Alors les internats. Non mais c'est trop. Moi j'ai recopié, tu sais, j'ai fait un copier-coller. Contrôle E, contrôle B. C. Ouais. C'est 34. CV, ouais. 34% sont positifs contre les ordinateurs. Ouais, on voit bien. 15% sont d'accord, mais. Que si c'est pour trouver des photos porno. Alors ça, des photos porno, ben, c'est le site internet www.fn.fr. Ta gueule, toi. S'il te plaît, vous m'éteignez les micros. D'accord. Putain, mais c'est pas vous qui commandez le jeudi, c'est moi, d'accord, d'accord. Mais, tu nous commandes pas la bouche non plus. Donc, sur le www.fr Fun Radio, donc, vous pouvez avoir les photos un peu des nanas qui m'intéressent. Hein. OLP. Ah, je pense qu'il y en a, oui. Gérard, sur Internet, on me demande si tu comptes faire des débats prochainement sur... ça a coupé. C'est coupé, ça. Ouais. Bon, alors, quand tu... Est-ce que tu comptes faire des débats prochainement sur Internet? On lui a demandé tout à l'heure. Ouais. Bah bon, t'écoutes même pas le débat, Pauline. Mais non, je suis dans l'internet, c'est pour ça. Bon, Gérard, moi je vais lire internet parce que Apo elle fait n'importe quoi. Je préfère que ce soit toi qui t'en occupe. Tu sais le faire, Rigo. Il y a Max le Belge, Gérard, il te dit je t'aime, je t'aime. Ah, c'est cool. Tu peux me dire combien qu'on est maintenant? Non. Maintenant, peut-être pas, je vais peut-être attendre un peu parce que. Oh là là, on est 5548. Putain, à minuit 45, on est déjà dans la merde. Ça monte sec. Et on est presque 540. Et on est presque 1000 sur Minitel. Hein. On est 823. Pas mal. Ouais, okay. Gérard, tu feras tes calculs après. Vas-y, accouche. Accouche si je veux. Non, mais c'est vrai, Gérard. Pensez-vous que l'Internet va changer le monde? Alors, 53% des gens pensent que oui, ça va changer dans le monde. Ça va changer le monde. Ouais, ça va changer dans le monde, ouais. Bon, ça, je vois pas du tout. 42% des gens aimeraient que ça puisse changer une ampoule. Ça m'étonnerait. 17% préféraient que ça change les couches des vieux. Alors là, je vais dire une chose. Là, c'est ce qui est clair et net. Que non, je ne continuerai pas de lire les sondages. Alors, c'est vrai que t'as une carte son dans la hanche. Troisième question. Et pour ça, quelle... Excuse-moi, pour ça, on va accueillir Macintosh à la place de Bill Gates. Ouais, ça va être dur à prononcer pour Gérard. Ouais, alors, Macintosh. Salut. Salut. Salut, bonsoir, c'est Macintosh, salut. Ça va? Ouais, t'appelles d'où? J'appelle de Tarbes. 102.8. Comme moi. Voilà, ouais. Donc, question pas de radio. Oh! Gérard, avant que tu poses ta question, il y a Snooze sur l'IRC qui demande si les virus que l'on trouve sur Internet et dans les ordinateurs, c'est transmissible à l'homme. Bah ouais. Ça c'est... Bon, s'il vous plaît, merci. Donc, c'est vrai que il y a des trucs comme ça sur l'Internet et après qui sont... Il y a un genre de virus là-dedans qui sont reliés entre eux. La mais je sais pas... Bon, des grippes, tu peux attraper la grippe par Internet. Voilà, c'est ça qu'il voulait savoir. Pour la santé, hein. Par contre, j'aurais voulu savoir, toi qui es bien. Bah, tu peux demander Daniel, s'il te plaît, t'éteins ton micro, merci. Gérard, tous les auditeurs sont utilisateurs d'Internet, donc tu peux leur demander aussi, hein, ils s'y connaissent. Donc j'aurais bien voulu savoir s'il y avait des gens... Il y a des vaccins, non? Ouais. Ta gueule. Ouais. Mais il y a des vaccins. Genre, il y a des vaccins. Il y a des vaccins. Ouais, le vaccin contre la grippe d'Internet et tout. Ouais, ouais. J'aurais voulu savoir s'il y avait des gens qui sont parmi nous, là, les auditeurs. Ouais. J'aurais voulu savoir s'il y en avait qui ont entendu parler de deux jours et trois nuits de l'Internet qui s'est déroulé ce week-end. Ça a duré deux jours et trois nuits, je crois. Oui, ouais. Bah, c'est ce que je viens de dire, espèce de con. Ah bon, pardon. Deux jours et trois nuits, je précise. Bon, fais gaffe, Tony. Mais c'est pas Tony, Lascar. Ouais, c'est pas... C'est qui, alors? C'est qui prend son bain, non? Là, je commence à avoir des soupçons quand je demande à ce qu'on prenne des gens au standard. Et pour l'instant, vous ne prenez personne au standard, vous me prenez les habituels. Mais j'ai mis une heure et demie pour t'avoir. Ouais, t'as mis une heure et demie, c'est ça. Bah oui, genre. C'est ça. Mais c'est vrai? Ouais, ouais, ouais. Donc j'aurais voulu savoir. Toi, Rigo, t'as pas pu y aller, toi. Bon, quoi. S'il vous plaît, derrière. Oh. Allez où? Il y avait une tasse. Allez où? Voir le fameux truc comme je t'avais parlé. Non, j'ai pas vu ce week-end. J'étais la rêve de l'internet et tout. Ouais, voilà. C'était charmé, quoi. Enfin, bah, tu peux. Ah, voilà. T'y allais? Métropole internet, c'était mortel. Tu peux y aller? Tu peux nous expliquer alors? Bah ouais, c'était trop bien, quoi. Avec toi, t'as dire? Bah tu te tapais des. Oh. Ouais. Oh. Allô. Bah voilà, quoi. Vas-y, c'est bon. C'était mortel. Ah, là, ok. J'ai pris une douche virtuelle, c'est Macintosh, là. J'ai pris une douche virtuelle pendant la fête de l'internet, c'était trop délire. C'était sur le site www.obao.com/grande-toilette. On avait tous le disque dur, c'était génial. Bon, la question, ça va être pour quelle démarche vous seriez. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Gérard? Bah, ouais, quand même. Mais, non, mais moi, j'ai pas pu le voir, j'attends qu'il passe à la télé pour l'enregistrer, pour faire une copie, pour donner à Manu. Oh, vocal derrière! Okay. Une copie à qui tu veux faire? Je vais faire une copie pour Manu, j'attends que. C'est gentil. Il s'en branle, Manu, d'Internet. Il complètement de l'Internet. Hein. Non, il s'en branle. Bon, si, Manu, je te jure, tu s'en branles. Pour Rigo, je veux dire. Il faudrait que t'en fasses une. Gérard, excuse-moi, il faudrait que tu fasses aussi une copie pour Axel, il nous a demandé si tu pouvais y en faire une. Sur une VIP. Tout à l'heure, il y en a un qui m'a dégagé, ça va aller sec. Ok, okay. Il n'y aura pas de bouteille d'eau là. Ouais. Pour quelle démarche seriez-vous prêt? Pour quelle démarche vous servez-vous de l'internet? On va demander ça à Petit Mulot. Pour quelle démarche? Ouais. Je vois pas trop la question, excuse-moi Gérard, mais je comprends pas. Pour quelle démarche vous servez-vous de l'internet? Est-ce que tu peux expliquer quelle démarche? À ton avis? Par exemple. Bah, de toute manière, ça va être la question, mais c'est con parce que ça revient à peu près à la même. C'est pour commander des fringues ou autre. Ah ouais, moi je commande. Ou même, plus pour trouver du travail. Ouais, aussi, ouais. Moi je fais de l'internet rose. Dis-moi plutôt du Minitel rose, ça vaudra mieux. Non, de l'internet rose, ça n'existe pas. Bien sûr que ça existe. Ça n'existe pas. Mais on en fait de l'internet. Comment? Ils sont plus grosses. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire, toi, Bulldog? Tu viens de dire Bulldog? Gérard, calme-toi, il y a des sites sur tous les animaux, faut pas t'énerver pour ça. Ouais. Gérard, sur internet, il y a Seigneur. Ah, ça coupe. Voilà. Il y a Seigneur qui dit qu'il sert d'internet juste pour se foutre de la gueule d'un poivreau qui passe à la radio. Ah, c'est pas cool. Alors lui, il va se faire enculer. Ah, mais tu lis pas, dans ce cas-là, tu lis pas des conneries comme ça. Mais ouais. Alors, je serai que toi, je retourne au standard. Non, mais à mon avis. Ça sera mieux. Il parle d'une autre radio, à mon avis. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense. Hein. Petit Mulot. Oui, Gérard. Je t'ai répondu, je fais de l'internet rose. Qu'est-ce que t'as déjà répondu, Gérard? Irsène, moi l'arrière. Ouais, c'est ça, oui. Moi, en fait, internet, je l'utilise à hacker. Par exemple, je hack des sites comme Chronopost, et puis je leur fais envoyer des paquets de merde sur des paillassons, des trucs comme ça. D'accord, alors toi, c'est terminé pour toi, au revoir pour toi. C'était qui? J'ai pas suivi. Dis-moi, c'était qui? Macintosh. Irsène, moi l'arrêt. Irsène, moi l'arrêt. Y a pas Irsène, moi l'arrêt. Si, au revoir pour toi, ça va t'apprendre. C'est pas la peine de le reprendre sous un autre nom. Je le reprends pas, Gérard. Site du cul. Ouais, bah alors moi je m'en sers pour acheter des produits aux États-Unis, comme des DVD, des CD, etc. Mmh. Sinon, je vais rencontrer des gens aussi sur les sites par exemple irc.funradio. Et sinon, je fais plein de choses. J'ai trouvé du travail. Voilà. D'accord. Internet sert à beaucoup de choses. Macintosh. Ouais, moi j'achète mon pain sur Internet, mais alors aujourd'hui, malheureusement, on peut acheter que du pain de mie parce qu'il faut l'imprimer et ça fait que des tranches, mais il paraît qu'il y a un programme pour faire de la baguette pour l'an 2002, ouais. Qui est développé par Poilane. Exact. Ok. Gérard, ouais. À la place d'un Seigne Mollaret, là, comme tu dis, on accueille Clique Mes Bourses. Qui ? Clique Mes Bourses. Allô, bonsoir, bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Clique. Attends, je vais te l'écrire, Gérard. Ouais, mets-moi là. Gérard, de la main, ouais. Sur internet, il y a Davy One qui sait que t'étais routier et qui demande si c'est possible de commander des camions. Non. Pour l'instant, je sais pas, ça faudrait savoir si il y a un site. Bon, s'il vous plaît, derrière, merci. Faudrait savoir si, dans ces cas-là, faudrait que je demande à Rigo s'il y a un site internet pour commande spéciale. Ouais, on peut en acheter en pièces détachées, mais alors ça fait beaucoup d'enveloppes pour l'expédition. C'est pour l'instant, quoi. C'est pas à toi que je m'adresse, c'est à Rigo. Ouais, Gérard, internet, toi, dans ton cul. Donc, Rigo, si tu pouvais me confirmer si on pouvait... Ouais, tu peux, ouais. Comme il a dit l'auditeur. Ah. Il y a un site, Bon, alors, la question... Oui, Gérard, à ta question, je réponds oui. D'accord. Oui. Qui c'est qui a pas répondu ? Clique Mes Bourses. Ouais, donc bonsoir. Donc, je viens d'arriver en fait. Donc la question c'est quelle démarche Pour quelle démarche t'es sorti ? Ok. Bah, pour le travail déjà. Donc je m'en sers pour avoir des infos pour mon boulot. C'est bien. Pour avoir des articles, des trucs comme ça. Pour acheter des fringues ou des trucs comme ça quoi. C'est passionnant. Bah ouais, c'est passionnant. Et puis, puis Internet Rose aussi, hein, évidemment, ça c'est tout de fait. Hein. C'est clair. Macintosh. Ouais. Oui. Macintosh pour terminer. D'accord. Quoi ? Macintosh pour terminer la question. Oui. Je t'ai répondu, c'est moi qui achète du pain sur Internet, Gérard. Ok. Alors là. Toi et toi, Gérard. Moi, pour quelle démarche vous servez-vous de l'internet ? Moi, j'ai pas les moyens. Toi, tu boites déjà. Hein. J'ai pas les moyens d'avoir l'internet chez moi, donc. Non, mais tu boites. Tu pourras faire la démarche. Tu pourras faire de l'internet à fun. T'en fais la nuit pour le faire. Ouais, une question IRC. Vous éteignez vos micros parce que ça commence à m'énerver. Manu. Oh là, putain, ça commence à devenir lourd. GG, sur Internet, il y a Florent qui dit qu'en fait, il sert d'Internet pour mater les chiennes en chaleur grâce à webcam. En fait, c'est des caméras dissimulées sur webcam. Internet. Webcam. Ouais, c'est ça. Peut-on communiquer avec les extraterrestres sur Internet petit mulot. C'est pas possible. Parce que les fils des ordinateurs, ils seraient pas assez longs pour aller dans l'espace. Par contre, s'il y a des extraterrestres sur Terre, oui, il n'y a pas de problème. Mmh. Non, mais je te demande si on peut... Mais si on peut communiquer... Gérard. Oh, mais 5 minutes, Apolline, merde. Ah, d'accord, j'attends. Bon, allez, retourne au standard, quoi. Hop, non, standard. Non, Gérard. Mais non, Gérard, c'est bon. Punaise, mais... Laisse-moi poser les questions, tu répondras après. Ok. Oh là, vous n'allez pas me foutre de la merde ce soir encore. Déjà la semaine dernière, c'était la merde, pas ce soir, hein. Il n'y a pas de paillasson ici. Je peux poser la question ou je dois... Non. Ok, j'attends. Petit Milo. Je peux finir ? Bah oui. En fait, il y a des programmes qui ont été créés pour décrypter le langage et l'écriture extraterrestre. Et en fait, ça a été piqué à l'armée. Et ça reste top secret encore, mais ça va bientôt se diffuser. Et, on y aura tous accès. D'accord. Clip Mes Bourses. Ouais, alors moi, en fait, c'est faux. On peut pas. Étant donné qu'on n'a pas encore prouvé l'existence d'extraterrestres. Ça sert pas à rien. Du tout. Ah si, mais ça sert à rien qu'on mette en place... Bon, petit Milo, s'il te plaît, tu te calmes. Donc l'armée, je réponds à la question, s'il vous plaît. Putain. Donc, l'armée n'a pas encore mis en place des systèmes de communication extraterrestre avec des extraterrestres, étant donné qu'on n'a pas encore prouvé leur existence. Donc, ça sert à rien dépenser d'argent comme ça. Et à partir du moment où on aura découvert des planètes habitées ou des trucs comme ça, ou bien des vies quelque part dans l'univers, à ce partir de ce moment-là, on pourra... Mais merde, Apolline ! Bon, bah, c'était intéressant ce que disait en plus. Ah ouais. Si, c'était bien. Bah non, mais c'est vrai en plus, donc... Visionnaire. Bon, alors vas-y, maintenant, pose ta question. Il y a Davy One qui dit que oui, on peut communiquer avec les extraterrestres parce que lui, il communique avec un extraterrestre qui veut s'y faire à la radio en ce moment. C'est ta merde. C'est tout. Ouais, bah tu donnes des trucs mieux que ça. C'est quoi ce bruit? Ça doit être au standard. Vas-y, tape dessus parce que des fois ça marche après. Vas-y, clique mes bourses. Vas-y. Bah donc t'as compris, Gérard. Voilà. Ah, c'est mieux. Ouais, je t'écoute. Allô. Oui, donc voilà, donc c'est pas encore mis en place. Là. Donc pour l'instant, on ne te porte pas. Oh là là là. Vas-y, retape dessus, Manu, parce que là. Non, mais plus fort. Aïe. Non, mais hey, oh. Oh, tu connais pas, toi, putain. Tu connais rien, là. Ça fait à peine 2 mois que t'es là que tu te permets de. Déjà, tu paies l'internet, c'est déjà pas mal ce soir. Tu promets de rester au standard. Site du cul. Ouais, bah alors écoute, moi je pense que c'est possible. Parce que moi, personnellement, je fais www.alien.com / chat. Mm-hmm. Et je discute avec des aliens qui vivent sur Terre en ce moment. Donc, je sais pas s'ils foutent de ma gueule ou pas. Mais en tout cas, rien à voir. Non, ils foutent de ta gueule. Non, c'est vrai. Non, franchement, j'ai déjà discuté avec eux. Il y en a un qui vient de Vénus. Il s'appelle comment? J'arrive pas à prononcer leur nom parce que c'est des suites de lettres qui n'existent pas. Le Glabu, il y a pas le Glabu. Il y a le Glabu, il y a Shlokmu aussi. Ah voilà, il y a Shlokmu. Shlokmu, Patamou. Super sympa d'ailleurs. Bah, c'est des potes à moi. Shlokmu, trop sympa. Bon, il y a question IRC parce que depuis tout à l'heure, elle arrête pas. Alors vas-y, envoie ta question IRC. Tu commences à me les gonfler, toi, sérieusement. Elle souffle dedans. Bon, il y a Jupiler qui dit qu'il. Ah, ça coupe. Avec Big et qui nique. Et qui nique avec Bill. Bon, allez, hop. Non, c'est pas ça, je t'ai dit, c'est pas ça. Macintosh. Oui, alors, non, moi je pense que pour communiquer avec E.T., il vaut mieux utiliser le téléphone. Et pour les autres extraterrestres, il vaut mieux utiliser Jean-Claude Bourret. Non, mais je pense que jusqu'à maintenant, j'ai pas vu d'extraterrestres qui communiquaient sur internet. Hein. Ouais, et Macintosh, excuse-moi, mais le mec qui fait les débats, il s'appelle Gérard et il est pas bourré, il a pas bu. Bon, Gérard, sinon, je voulais juste dire aux gens du Minitel, à savoir Bédoman qui me demande si le Minitel marche, je lui réponds oui. Et on est quand même 924 sur Minitel. Ouais, c'est quand même. Oui. Ouais, de l'autre côté. Allô, Gérard. Sur IRC, je sais pas, on est 7240. Non, 7240, c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Ouais. Gérard, oui, donc c'est clic mes bourses. J'aurais juste une question en fait, parce que. Ouais. Est-ce que tu saurais définir ce qu'est en fait l'internet, quoi? Parce qu'on en parle comme ça, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? Alors l'internet, justement, c'est quoi? C'est un écran avec un clavier. Tu tapes dessus. Celui qui est pas tout content derrière, parce qu'il est compris, mec. Compris, Macintosh. Non, c'est pas bon. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore sur internet? Rien. Putain, mais. Eh, Apo, il y a au moins 9000 personnes. Tu vas pas me dire qu'il y a rien. Arrête. Mais de ouais, mentir. Mais pas une question bien pour GG là. Je vais me faire engueuler sinon. Ouais, si c'est une question de merde, c'est pas la peine. Voilà. Donc voilà. Alors l'internet, c'est un écran. Oh non, c'est pas ça, je t'ai dit, c'est pas ça. C'est quoi? Tu connais rien. Faites-vous des concours. Du plus beau, des plus beaux. Faites-vous des concours du plus beau internet portatif. Je sais qu'il y a des internets, il y a des appareils portatifs. Vas-y, internet encore, allez. Vas-y, quand même, non mais, tu vas pas t'amuser à me couper les questions sans arrêt, toi. Bah ouais, mais il te pose des questions, il faut que tu répondes. Non mais attends, les questions, t'attends et c'est tout. D'accord. T'attends que je te donne l'autorisation. Merde. Bah, ça y est, la question, elle est finite. Hein. Petit Mulot. Oui, Gérard. S'il y a des concours du plus bel internet portatif. Ouais. Portatif, ouais. Oh putain. Ouais. Mais on dit concours... pas putain, on dit maman travaille. Excuse-moi, on parle pas. Il y a des concours de plus beaux sites d'internet, peut-être la plus belle présentation. Maintenant, à savoir si elle est portable, moi j'en sais rien. Ouais. Là, c'est pas évident, ta réponse. Hein. Bah, c'est la question non plus. La question n'est pas évidente. Donc. Ouais, mais donc. Clip-moi mes bourses. Bah alors en fait moi je participe à ce genre de choses, je sais que ça existe, exposé à la porte de Versailles du 22 au 26 avril, les plus beaux. Oh, ah ouais, d'accord. Moi, je peux te dire une chose, que ça m'étonnerait qu'au mois d'avril, il y ait quelque chose à la porte de Versailles. Hein. Pourquoi pas? Mais non, parce qu'à mon avis, au mois d'avril, normalement, ça doit être le salon d'automobile ou autre. Ou autre. Site du cul. Bah, je suis désolé, attends, c'est pas de ma faute, quoi. Ça va, attends. Oh oui. Ben moi, personnellement, je ne savais pas qu'il y en avait. Je n'ai jamais participé à ce genre de concours, mais ça doit être très bien. Et il y a des prix à gagner. Ah, bah alors je vais participer alors. Voilà. C'est quoi le genre de prix? Bah le genre de prix, c'est des internets portables encore plus beaux que celui que t'as présenté. Voilà. Ah, c'est pas mal, c'est sûr de gagner l'an prochain. Voilà, exactement. Macintosh. Ouais, alors non, moi j'en fais pas, mais sur internet, moi je fais des concours de mots croisés. Uh-huh. Mais alors, le problème c'est que comme j'ai pas d'imprimante, je remplis les cases directement sur l'écran. Uh-huh. Et alors, le problème c'est qu'il n'existe pas de gomme spéciale internet. Alors, à chaque fois, je fais une nouvelle grille, je dois acheter un nouvel écran. Bah ouais, t'achètes. Ah, c'est chiant, mais ça tue avec ça. Ah, ouais, non, mais. Non, mais je pense que. Rigo, s'il te plaît. Ah, non, mais là, pour arrêter les doubles sons. Mais je sais même pas comment on fait les doubles sons. Gérard, sur Internet, il y a Turpentine qui demande combien c'est le prix d'une communication d'Internet. Aurèle, pour l'instant, elle va se calmer parce qu'on va en parler. Aurèle, de manière sa conclusion, ça ne sera pas la peine de me la dire parce que je sais qu'elle va me dire que mon débat n'avait ni queue ni tête comme moi, donc c'est pas la peine de dire sa conclusion. Ouais, Gérard, tu pourras me donner l'adresse du site où on voit ta grosse en train de se faire enculer sur Internet. Macintosh, t'as répondu? Oui, je te dis, je fais des mots croisés, mais j'ai des problèmes avec les écrans, là, et encore d'un coup, des Américains, il y en a marre, quoi. Mm-hmm. Ils sont en anglais, les mots croisés, c'est ça? Non, mais de toute manière, il n'y a pas... C'est la galère. Non, il y a plusieurs concours qu'on peut faire facilement. Concours de beauté, donc de sang, comme Max essaye de faire à l'heure actuelle, mais pour l'instant, je crois que ça tombe à l'eau. Il y a aussi des concours de la meilleure drague, aussi, sur Internet. Et il y a aussi des tickets à gratter sur les écrans, mais c'est l'enfer. Ouais. Non, je pense pas. Que va changer la sixième question? Que va changer l'Internet dans les... Excusez-moi, pour cette sixième question, clique mes bourses, il est parti. Ah, et on récupère? On récupère personne pour l'instant. Les débats, pas de radio et pas d'insulte. De Gérard. Alors, je préviens d'une chose, que le petit branleur qui vient de sortir ça va se faire enculer profondément. Très profond. Avec alors donc, pour ça, la sixième question, que va changer l'Internet dans les années à venir? On demande à Petit Mulot, avant de s'écouter le prochain disque. Hein. Ça va pas changer grand-chose. Donc voilà, ça va pas changer grand-chose. Bon, alors, Petit Mulot... Oui. T'es à moitié dans le cirage. Non, pas du tout, Gérard. Si. Est-ce que ça va changer? Ça va. Non, mais pour moi, je te le dis, t'es à moitié dans le cirage. Donc, tu retournes voir Manu au standard. Pas au revoir. Au revoir, Gérard. Au revoir. Excuse-moi, Gérard, on accueille 10 quéquettes. À la place de. Bonsoir, Gérard. Salut. Bonsoir, c'est 10 quéquettes. Ouais, salut à toi. Salut. Donc, t'appelles d'où? De Grenoble. Chez lui, hein. Là, il y a la fréquence. 103.8. Ouais. Ok. Gérard, sur IRC, il y a Yankee qui... sur Minitel, il y a Yankee qui demande à peau à l'AREA. Qu'est-ce que t'en penses? Carton au standard, mais déjà. Mais il ne veut plus sur Internet, c'est pour ça. Elle a cartonné, l'AREA. Ouais, non, mais... Ouais, voilà. Alors, d'après vous, combien coûte un Internet? On va faire le sondage avant de passer à la question. Et la question... Je vais la poser juste avant de mettre la ZIC. Tu viens de la poser, Gérard? 27% pensent que Oui, oui, oui. Ouais, d'accord. Non. Coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, je choisis ma route. Alors, ça, c'est des questions bidons. Non, c'est mélomane. Oh, bah, voyage derrière, s'il vous plaît, merci. 25% des gens pensent que ça coûte pas cher, alors mieux vaut se laisser faire. Ouais, ben, je vois pas. Et 23% pensent que c'est encore moins cher en été. Et moi, je peux vous dire une chose, que le site internet coûte encore deux fois plus cher qu'une communication téléphonique. Trop pas, alors là. Non, non, non, si. Non. Ça dépend sur quel service. Ouais, ben... Oh non, c'est pas ça, je t'ai dit, c'est pas ça. Ouais, c'est pas ça, ben... Non, rien à voir, rien à voir. Ouais, ben maintenant tu vas répondre, toi. Allez, vas-y, disquequette, allez. Ah, ben, c'est pas moi, attends. C'est pas lui, mais si, c'est toi. Ouais, tu réponds. Bon alors, le prix, c'est bon, ouais, non. C'est que va changer l'internet dans les années à venir. Ou vous répondez correctement, ou je vous vire. Ah, et on arrête le débat. On accueille Mou de la Touche. Ouais, à la place. À la place de Petit Mulot, voilà. Salut la Touche. Salut, ça va, mon pote. Salut Ramolo. Ok. Ta fréquence. 98.6. 98.6. Ok, tu vas répondre le premier, tiens. Mais j'ai même pas pu entendre, j'étais au standard, Gérard. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer, Internet? Ouais. Bah, ça va changer qu'il va y avoir plein de nouveautés dans le monde entier. On va pouvoir télécharger plein de trucs. Tout ce que tu vas acheter dans un magasin, bah, tu vas pouvoir le prendre sur Internet et ça arrive chez toi direct. Ouais. Et ça va être trop bien. C'est vrai. Ouais. Mmh. Le kiff. Tu pourras télécharger un paquet de clopes et puis 10 minutes après, il est chez toi, quoi. Exact. Mmh. Disquequette. Ouais, bah écoute, moi je pense que ça va permettre à 2-3 psychopathes de pouvoir finir de s'enfermer chez eux. Ouais, c'est vrai. Ouais, de plus communiquer avec le monde, de plus jamais sortir de chez eux à part par Internet. Donc je pense que voilà, ça va révolutionner le monde des tueurs en série. Ok. Site de cul. Ouais, mon avis, Quoi? 5 minutes, Apolline. C'est une question, Gérard. Non, mais attends, pour l'instant, je demande aux auditeurs. Non, après le site internet, on verra. Et Apolline, mon putain, mais merde! C'est pas tes débats, c'est les miens! Bah, je sais, Gérard, mais je peux te poser une question. Ah non? Oh là là! Gérard, excuse-moi, je passe juste un bonjour à CyberGreg qui est sur le Minitel et on a dépassé les 1000 sur Minitel. Ouais on... Merci, on est 1022. Et l'internet? Je sais pas, faut demander à Apo, j'arrive pas à voir là. Bah, logiquement, c'est un... On est 8206. Eh, Apolline, j'ai un problème, j'arrive pas à me connecter à Internet, comment je fais? Le câble, il déconne ce soir, aide-moi, s'il te plaît. Non. Merci. Site de cul. Site du cul. Site de cul, réponds. Oui, c'est moi. Bah, écoute, je te disais, le monde se rapproche. Tout devient plus petit, on est beaucoup plus proche des gens, mais on sort plus, ça c'est vrai que ça c'est chiant. On est enfermé chez soi, bon, c'est vrai qu'on peut discuter avec les gens du monde. Gérard, calme-toi. Arrêtez, il est parti taper Fildar, ça y est, ça commence. Il est parti Fildar. Bon, tu te rassois et t'écoutes les auditeurs parce que... Ah, t'écoutes rien, hein. Bon, écoute un peu, Gérard. Gueule un peu, là. Au lieu de jouer à Tekken. Tekken 4. Et Gérard! Avec Gérard Galloway! Non, Gérard! Ah, c'est pareil, t'es dans ton micro! Allô, le Manu! Allez, le Fun Tony! Allô? Ouais, Tony! Ouais, Tony! Fun Tony, pas Fun Tony, mais t'es fou ou quoi? Ouais! Bon, Manu, s'il te plaît! Ouais, tu me les calmes? Tu gères? Ouais, tu gères. Non, mais vous me les calmez là au standard. Ah, vous calmez, pas de problème. Bah ouais, mais faut faire gaffe avec la réa, les gars. On met pas les dédifoles, bordel. Gérard, sinon sur Minitel, il y a Yankee qui dit Apo sur l'IRC, c'est comme GG intelligent, c'est impossible. la question, donc, Et Gérard, il y avait quelqu'un qui demandait une adresse pour ta grosse tout à l'heure. C'est www.keketos.com. Ouais, c'est comment ton surnom, toi? Polo. Roberto. Alors Manu, tu me gères celui qui vient de dire ça et tu le vires tout de suite. Pas de problème. Donc alors la question c'était, auriez-vous rencontré votre femme par internet? Donc on demande ça à Moul la Touche. Ouais, j'ai pas rencontré de femme sur internet puisque j'ai pas de femme, Gérard. Donc je peux pas répondre à ta question en fait. Ouais. Et j'ai pas internet et j'ai pas de femme. Donc comme ça c'est clair. Ouais, mais ça t'arrive de répondre correctement aux questions? Je t'ai répondu quoi? Gérard. Ok, au revoir. C'est pas moi, c'est le standard qui déconne. Ouais, c'est le standard, c'est toi qui t'amuses à faire des conneries. Mais non, Gérard. Mais oui. Je t'aime pas. Moi, je t'aime pas, d'accord? Bah, c'est pas gentil. Disque caquette. Disquette, ouais. Ben écoute, moi déjà je pense que Internet est en glisse aux roches, comme dirait l'autre. Parce que les nanas, si elles se cachent derrière un écran, à mon avis c'est louche, c'est qu'elles sont pas belles. Ouais, c'est vrai. Donc moi je dirais qu'il faut pas sortir avec des meufs de l'Internet, parce que ça doit être des boudins, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Des meufs de l'IRC, comme l'IA ouais, et tout. Pas belle, là, elles ont 13 ans en plus. C'est pas la peine, elles doivent avoir 13 ans, elles font « Oui, j'ai 31 ans, je voudrais bien me faire péter le cul et tout », alors qu'en fait elles ont 12 ans, laisse tomber. C'est vrai. C'est du cul. Méfiez-vous. Bah écoute, bah moi j'ai pas rencontré ma femme sur internet, mais mon homme plutôt. Hein. C'est bon ça. Ouais, bon. Mais t'aimes bien les femmes quand même, je suis sûr. À moitié. Voilà, tu vois. Ça touche l'amour. Oh oui. Donc voilà, et donc. Eh bien. Attends. Oh là. C'est pas vrai, Jean. C'est pas vrai. De merde, c'est pas mon problème. Bon, il m'a dit, tu m'as fait. Apo, merde. Tu te démerdes. Ah non, je croyais que t'avais dit autre chose. Les interférences. Je te préviens, si j'ai pas les 10 000. Ce soir si j'ai même pas les 9 000 avant la conclusion. Le slip. Que tu retournes au standard ou tu retournes en dehors des studios. Ok, Gérard. Arrête de nous mettre des bâtons dans les trous, merde. Ouais. Macintosh. Alors oui, alors moi, Gérard, j'ai rencontré ma femme sur internet sur le site www.tournée/manège.fr. Ouais. Je l'ai enregistré sur mon disque dur, ça c'est pratique. Quand je veux coucher avec elle, je l'imprime. Et quand je veux juste une petite gâterie, ben, je mets ma gigabit dans le lecteur de disquette et là, elle avale. Non, mais je pense que le lecteur disquette, je sais pas comment fonctionne. Ça avale le lecteur disquette. Ouais. Je sais pas comment fonctionne l'internet parce que j'ai pas eu l'occasion de. C'est pas simple, ça fonctionne, tu mets une disquette. Ils font des formations à l'NPE. Et voilà. Ouais, salut Gérard, c'est Fred. Le bar, la NPE, tu connais. Vous connaissez tournée/manège.fr? Ouais. Bon, question IRC. Ouais, il y a. Là-bas, GG, sur internet, il y a. Ah, ça coupe. Il y a Jordan. Ah, non. Bah ouais, mais. Il y a Jordan qui demande si t'as rencontré Sandy sur internet. Oh là. Sur internet. Oh merde. J'y répondrai pas. Ah bon? Mais ouais! Donc, auriez-vous rencontré une femme, votre femme, par l'internet? Je pense pas. Hein. Ouais, j'imagine, toi, justement. Pourquoi? Comment t'aurais fait, toi? Non, toi, si par exemple, tu. Non, à mon avis, c'est plus par courrier que tu rencontres des gens. Et encore. Ouais, et encore. Et encore. Oh, vos gueules, s'il vous plaît, merci. C'est bon au 18e siècle, toi. Ouais, voilà. Ouais, mais je pense pas, à mon avis. Non, mais imagine que tu saches faire de l'internet et que tu pianotes tous les jours et que t'as une nana qui discute avec toi ouais. Et qui t'envoie sa photo. Ah, c'est vrai, qu'est-ce qu'on pense, alors? Excusez-moi. T'es vraiment un porc, toi. Dégueulasse, là. T'es vraiment un porc, hein. Mais Gérard, faut voir la description que tu donnes aussi sur Internet ou par courrier. Alors, d'après vous, combien de gens peuvent se connecter à Internet en même temps? Ah, voilà. C'est génial. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Faut arrêter les gars, c'est pas bon là. C'est de la bonne manière. Non, c'est rare, les écoute pas, on continue le débat. Donc, Moi je peux répondre. Hein. Allez, ça c'est copyright. Bon, c'est alors, mais Gérard. Alors, on prend le débat. Allez. Alors la question que j'ai là sur un sondage, d'après vous, combien de gens peuvent se connecter à Internet en même temps? Plus de 3000. Donc 51% pensent qu'il peut y avoir des millions. Ça reste à voir. Faudrait que Rigaud il puisse me le dire. Tu peux dire ou pas avec ton boulier, ouais. 34% pensent que qu'il ne peut en rester qu'un. Il ne peut en rester qu'un. Ouais. Ça te dérangeait de me laisser parler, toi? Y a pas de problème, mon pote. Ouais, ben toi, tu as dégagé. Comme ça, tu me prends des vacances. Ok. Et 15% pensent qu'il faut avoir une carte routière en euros. Alors ça, c'est des conneries. C'est et pour terminer le sondage, d'après vous, comment? Continue. D'après vous, qu'est-ce qui va remplacer l'Internet dans l'avenir? Ça, c'est la question que qui a déjà été posé, donc Le Minitel 2. 34% pensent que ça sera le Minitel, 24% pensent que c'est les lettres, et 16% pensent que rien ne peut remplacer le morse. Et... La question suivante, c'est combien coûte un internet en euros ou autre monnaie? Voilà. Alors, moule la touche. Donc, les insères. Alors, un internet, ça doit coûter à peu près dans les 5 dollars, 15 euros, à mon avis. Et donc, en France, ça doit faire dans les 1000 francs, je pense. Ça coûte deux fois plus cher. Quoi, c'est pas possible? Moi j'en ai acheté un il y a une semaine et je l'ai payé 1250 francs. Hein. Rien à voir. C'est un interflou, hein. C'est juste la carte mère aussi. Ouais c'est ça. Disque Kékette. Ouais, Gérard, tu m'as oublié là, c'est Fred. Non. Non, il n'y a pas de Fred. Voilà, il n'y a pas de Fred, Disque Kékette. Donc, moi, je voulais te dire, s'il y a des gens qui sont intéressés, moi, j'ai un peu des business. On s'en fout. Rien à branler, sérieux. Si, moi, j'ai du très bon matos qui vient. Non. 2000 copecs l'unité centrale. Mais coupe-le, Manu. Bah ouais, je vais te Au revoir. Vous appelez. Merci. Site du cul. Tu peux lui dire au revoir complètement, c'est pas la peine de le remettre à l'antenne. Ok, au revoir complètement, c'est pas la peine de le remettre à l'antenne. Bon, alors terminé, ça va être la conclusion, c'est la dernière question. Calme. Gérard, t'oublies tout le temps Fred. Il n'y a pas de Fred, site du cul. Oui, alors, un abonnement en France, ça fait à peu près 195 francs. Hein. Combien coûte un internet en euros ou autre mot? Tony, tu fermes ta gueule! Bon Gérard, c'est Fred, tu peux faire ma conclusion? 100 euros, ça doit coûter à peu près... Putain, qui c'est qui m'a choisi ces auditeurs? Attends, mais je suis en train de te répondre, là. On m'aurait menti. Ouais, j'ai... Alors c'est www.pondlalma.com. Alors tu dégages, au revoir. Moule la touche, au revoir Tony. Ouais Gérard, c'est Fred. Au revoir, ta gueule! Ta gueule! Voilà, on va accueillir Touche-toi. Non, c'est parce que tu viens de... Écoute. Non. Bah, allô, Gérard, allô Touche-toi. Fred, tu peux faire la conclusion tout de suite, là, parce que ton débat, il me saoule. Bah, je t'ai viré, toi. Allô, Touche-toi. Oui, je suis là. Tu vois, fille. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, toi. Bonsoir. On m'aurait menti. Bonsoir, les auditeurs. Ta fréquence, s'il te plaît. C'est 108.9. Ok. Gérard. Oui, Gérard. Sur IRC, il y a Turpentine, elle te demande comment elle fait pour Internet, tu vois, parce qu'elle doit brancher son modem sur son téléphone et elle a un téléphone sans fil, comment elle fait? Elle se démerde parce qu'avec sa conclusion que mes débats n'ont ni queue ni tête, j'y répondrai pas. Non, mais t'aimes pas les gens dans ton débat, t'es merde. Franchement, c'est pas cool. C'est naze. T'es une crotte. Ouais. Tu connais rien, t'es une crotte. Bon, ça fait des débats, ça sait même pas brancher un modem. Toi, tu fermes ta gueule, tu fais ton standard, d'accord? T'es payé pour te faire le standard. Et toi, t'es payé pour faire des débats et aider les gens. Mais vous êtes payé pour faire votre standard et prendre les gens où que ça sonne. Attends, là, c'est ma sœur, là, c'est ma mère qui a... Ouais. Alors, si vous n'êtes pas capable de faire le standard, vous restez chez vous. Ouais, c'est clair et net. Avec qui j'en étais? Site du cul. Ça se disait, c'est à peu près 13 euros l'abonnement par mois à Internet. Tu peux préciser? Bah, 13 euros l'abonnement par mois à Internet. Il n'y a pas à préciser, je pense. Ça coûte. C'est la réponse à ta question. Mm-hmm. Mm-hmm. Touche-toi. Oui, Gérard. Ça coûte environ 352,50 €. Mm-hmm. Ce qui fait à peu près en francs 15 000 francs. C'est ce qu'il faut compter pour un bon Internet. Mm. Ça va, là, au standard? Bon, allez hop. On arrête. On va arrêter parce que là, vous êtes en train de faire les cons, là, tous les deux, donc mais ça sert à rien. Non, vous travaillez. Attends, toi, tu fais ton l'IRC ou tu retournes au standard. Bon, allez, hop, conclusion du débat et j'arrête là. Non, mais on n'a pas parlé du prix en euros, Gérard. Ah ouais, info, ah oui. Hop, ça va être tapin. De toute manière, j'arrête après. Gérard, c'est Macintosh, là. Je voulais te dire que pour l'Internet, bon, ça dépend déjà, pour le coup, si c'est une année bisextile ou pas. Rien à voir. Ça coûte 247,673 €. C'est faux. Parce qu'en fait, comme Chirac, il a gueulé, les mecs de l'euro, ils ont quand même gardé les centimes. Hein. Ça, ouais, c'est ça, t'as raison. Allez, hop, question IRC, et on fait conclusion. Il y a Rip qui dit, l'Internet, c'est bien, en abuser, ça craint. T'en penses quoi, Gérard? De toute manière, l'internet, c'est comme le Minitel, c'est un gouffre pognon. Ouais. Oh. Voilà. Donc, conclusion du débat, on va demander à Moule Latouche. Ah ben, il est plus là, lui. Non, il est parti. Bon, lui, il est plus là. Il te reste Macintosh, touche-toi et site du cul. Alors, site du cul, conclusion du débat. Site du cul. Ouais, c'est ce que je suis en train de te répondre, là. Tu m'entends quand je te parle? Ben, réponds. Ben, je suis en train de dire que je suis d'accord avec Rip. L'Internet, c'est bien, on abuse la crainte et le débat, c'est pareil. D'accord. Touche-toi. Oui, Gérard, je me touche. L'Internet, c'est bien, on abuse sa craint. J'irai même plus loin. L'Internet, c'est bien, on abuse sa craint. Oh non, c'est pas ça, je te dis, c'est pas ça. Macintosh? Moi, je dis que pour l'instant, comme l'Internet, c'est surtout de l'histoire de cul. Notamment, en ce moment, on peut commander le catalogue GGSX 99 en biroute pour l'an 2000. Ok, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, Manu! Quand je te dis, on dit au revoir à cet auditeur-là, tu te coupes, s'il te plaît. Ah, ouais, d'accord. Avant que je t'éclate. OK. Conclusion sur l'IRC. Ouais, il y a Snous qui dit internaute d'un jour, internaute de toujours. Non, mais c'est con, ces trucs. Ah, ouais, complètement con. Je vais lire une petite conclusion quand même du Minitel, pour une fois qu'il marche. On est encore plus que tout à l'heure, on est 1322 voilà. Sur Minitel, pas sur IRC, sur Minitel. Et il y a une certaine Turpentine, mais je pense pas que ce soit la même, elle dit que ton débat il avait ni queue ni tête comme toi. Non, bah si, c'est encore la même. Donc, conclusion de l'IRC. Oh, on se réveille. Ah, ok, Jérôme, mais je pensais que je pouvais pas parler. Ça résonne. Bonne. Oh là là, c'est cool. Rigo, tu me fais la conclusion, toi, s'il te plaît, parce que... Ok, on va faire alors quelques conclusions sur l'IRC. Alors, attends, comme je suis pas dedans, il faut que... Nanana, qu'a-t-elle... Mais non, Rip, l'Internet, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense. Hein. Ouais, tu penses? C'est faux. C'est une drogue, l'Internet? Tu crois qu'il y a des patchs pour, contre? De manière, c'est comme le Minitel, l'Internet, ça devient une drogue pas vin. Possible. C'est comme le vin. Et sinon, il y a Yankee qui fait encore un débat où tu as parlé de ce que tu connais pas. Enfin, voilà. Ouais, ben, j'emmerde. Quand est-ce qu'on fait un débat sur l'alcool, là? Et quand est-ce qu'on fait un débat sur ta mère? Ça peut être sympa.